tendez vos mains, meurtrisse mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Projet Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Autrement, vous êtes sur le net, fajac.net, pour les autres Européens. Alors, à la technique, nous avons Guillaume, qui est un stagiaire, donc, sur Radio Fajac. Il va essayer de se débrouiller avec les manettes. Daniel, en votre compagnie, pour vous présenter Patchwork, à l'écoute des musiques du monde. La programmation d'aujourd'hui comprend des zouks antillais, comme d'habitude, un voyage musical au Brésil, trois coups de chapeau à El Gato Negro, que je vais traduire par le chat noir tout simplement, et une promenade dans le temps autour du mot samba. Allez, place au zouk. Alors Nelly, c'est une chanteuse qui est née en 1989 à Paris. Elle est d'origine guyanaise, martiniquaise et égyptienne. Ah oui, tout ça. Influencée par la musique soul de R&B, ses goûts éclectiques lui permettent de développer une musicalité métissée et lui donne l'envie de s'exprimer à son tour, fragilisée Nelly. Hey, hey, hey. Mm-hmm. On a nous deux besoin de mieux. Je ne l'explique pas, mais c'est le jeu. Parce que je veux ce que tu veux. premier coup de chapeau à El Gato Negro, le plus latino des groupes toulousains, ou si vous préférez, le plus toulousain des groupes latinos. Ce sont 6 musiciens qui partagent joyeusement leur amour de la musique latino, et figurez-vous, ça marche. Servan Despacho, El Gato Negro. Esta noche tengo cita con una bella mujer. Por eso, sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Y hasta se puede enojar. Ya va llegando la noche y los tengo que dejar. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pida. Después le vengo a pagar. Las estrellas y la luna me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quién voy. Esta noche tengo cita con una bella mujer. Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Y hasta se puede enojar. Ya va llegando la noche y los tengo que dejar. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pida. Después le vengo a pagar. Las estrellas y la luna me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quién voy. Le Brésil, un vaste pays d'Amérique du Sud qui s'étend du bassin amazonien au nord, aux chutes d'Aguazu au sud. La ville de Rio de Janeiro, caractérisée par la statue du Christ rédempteur de 38 mètres de haut, située au sommet du Corcovado, est réputée pour ses plages très fréquentées de Copacabana et d'Ipanema, ainsi que par son énorme carnaval animé avec défilés de chars, costumes flamboyants, musique et danse samba. Population du Brésil, 209 millions d'habitants, pour une superficie de 8 500 000 km², soit 17 fois celle de la France. Ville importante, São Paulo, 11 millions d'habitants, Rio de Janeiro, 6 millions, Salvador de Bahia, 3 millions, et Brasilia, la capitale, 2,5 millions. Les pays limitrophes du Brésil sont la France. Ah oui ? Eh bien oui, avec la Guyane. Le Suriname, le Guyana, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay. Et puis, au Brésil, on parle portugais, mais pas vraiment un vrai portugais. Un portugais teinté de patois provençal, Madalena, Gilberto Gil. Dans chansons françaises autour du mot samba, la samba brésilienne des paroles de Raymond Vinci, une musique de Francis Lopez, extrait de l'opéra, de l'opérette plutôt, 4 jours à Paris en 1948. Ça, rappelez-vous, c'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. Samba brésilienne Andrex. brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. C'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne, qui sent le moindre faux pas, dans les bras d'un beau gars vous invite aux ébats de là-bas. Dansez, dansez, dansez tous la samba. Dansez, dansez, mais n'exagérez pas. C'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans avoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. Faisait remarquer que les airs de samba des années 40, ça ressemble plus tellement aux airs de samba qu'on entend maintenant. Mais c'est vrai, ça a évolué tout ça. Deuxième coup de chapeau à El Gato Negro. Axel Matrod, c'est le moustachu, c'est le meneur de la joyeuse troupe. Enfant, Axel rêvait d'être chanteur. Mais adolescent, il comprit très vite que l'école n'était pas faite pour lui. Ses pires notes, en plus, c'est en musique et en espagnol qu'il les obtint. À 15 ans, il termine un stage dans une imprimerie pour y apprendre la sérigraphie. Et là, c'est lui qui parle. « Content de moi, le patron m'a offert une guitare parce que je chantais tout le temps pendant mon stage. » À 18 ans, il traverse l'Atlantique pour la première fois et atterrit au Brésil. La magie opère alors. La culture latine, l'espagnol et la musique ne le quitteront plus. A mi amor nunca le tama El Gato Negro. Necesito tu respuesta si todavía me quieres. Necesito que me digas si aún yo vivo en ti. Como la primera vez que practiqué contigo, con caricias me decías, contigo soy muy feliz. Cuando te miro pasar, no pienso retenerme, porque ya mi corazón se enloqueció por ti. Y aunque tú ya no seas libre, vida mía, aquí me tienes. Y hoy por encima de todo, así lo decidí. No me niegues tu querer, a mi amor nunca le temas, yo a ti no renunciaré. aunque sé que eres ajena. Y si alguna condición quieres de ti para mí, como digas por quererte lo que sea, yo haré por ti. Cuando te miro pasar, no pienso retenerme, porque ya mi corazón se enloqueció por ti. Y aunque tú ya no seas libre, vida mía, aquí me tienes. Y hoy por encima de todo, así lo decidí. No me niegues tu querer. A mi amor nunca le temas. Yo a ti no renunciaré, aunque sé que eres ajena. Y si alguna condición quieres de ti para mí, como digas por quererte lo que sea, yo haré por ti. Y si alguna condición quieres de ti para mí, como digas por quererte lo que sea, yo haré por ti. Parmi les activités à ne pas manquer au Brésil, la passion pour la musique se fait sentir partout au Brésil. Rio de Janeiro abrite plusieurs écoles de samba et chacune d'elles forme des danseurs et danseuses qui pratiquent devant le public avant d'aller performer au carnaval. Alors, les plages de Florianópolis, 42 plages, chacune offrant une activité ou une particularité qui lui est propre. La proximité avec la mer permet de nombreuses aventures hors du commun. Le festival de voile de régade de Jangada. Alors les Jangada, c'est quoi? Ce sont des bateaux de pêche brésiliens traditionnels. Le festival de voile de régate de Jangada, donc, voit défiler des centaines de voiliers sur les côtes de Fortaleza. Pour une vue particulièrement spectaculaire de l'événement, vous pourrez même faire un tour de Jangada. Allez, à vous d'y aller. Allez aussi admirer le coucher de soleil à Arpoador. Et puis, grimper au sommet de la montagne Sugarloaf, 396 mètres. Bon, la vue est pas la hauteur n'est pas terrible, mais la vue est imprenable. Le site comprend 60 sentiers pédestres dans un environnement de granit et de falaises avec très peu de végétation. Le sanctuaire Don Bosco, on découvrira à l'intérieur un chef-d'œuvre de design formé de 80 colonnes de béton qui supportent 7500 pièces de verre de Murano illuminées de 12 teintes de bleu différents. L'effet est mystique. Les chutes d'Igazu, alors 2,6 km de sauvage, ce qui en font les chutes les plus reculées du monde. Également sanctuaire de faune exotique, avec la présence de jaguars, d'oslo sauvages et de coatis. Par ailleurs, 3 millions de visiteurs à Rio pour le Christ Rédempteur. Et surtout, ne pas oublier que le Brésil est le paradis des randonnées pédestres Sambala Salomé de Bahia. Et maintenant, pour continuer notre promenade à travers le mot samba, une chanson de 1976, paroles et musique de Michel Berger. La samba samba s'en va, quand le mambo mambo est là. La samba samba sans toi, je change de peau. Change de pas, tu danses dans d'autres bras. Samba mambo France Gall. De Zouk antillais, oui, bien sûr, sans un mot. Ce titre signifie beaucoup pour la chanteuse Laura. Elle y évoque assez simplement la relation qui se crée entre deux êtres complètement à part et qui décident de rester dans leur bulle afin de préserver leur amour dans un monde devenu de plus en plus intolérant. Sans un mot, Laura. Se perdre le monde à tourner. Ils n'en ont rien à faire. Troisième coup de chapeau à El Gato Negro. En construisant des passerelles entre l'Amérique latine, l'Afrique et la France, le groupe musical défend les mêmes valeurs dans ses textes et son instrumentation. Favorisant ainsi l'entraide et le partage, il fait preuve d'une vraie préoccupation humaine, ouvre la porte, El Gato Negro. Arrivons sur le sable, au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'Auvergnat qui fut un jour si aimable, ouvre la porte, je t'en supplie. On a vécu tous les supplices, on veut juste sortir de la merde. On a voyagé dans la pisse, donne-moi le vert de ton herbe. Pas le bleu de la police qui nous repousse dans la mer en criant patrie et justice. Si l'Afrique est votre mère, la France est notre fils. Ouvre la porte. C'est moi. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Tu peux choisir de barricader tes rues, laisser mourir ou faire celui qui n'a pas vu. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'Auvergnat, mauvais garçon. Ta politique du repli qui voudrait noyer le poisson. Pas le bon papier, contrefaçon. Contre le mur, de toute façon. Pas par ici, retour maison. Maman là-bas qui risque la prison. Mais tu crois quoi? Tu m'envoies où? Viens nous en aide si tu as les couilles. Là-bas c'est le feu, là-bas il fait faim. Ouvre les yeux et donne la main. Ouvre la porte. Ouvre la porte, c'est moi. Ouvre la porte. t'appartient pas. Le sol ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Le ciel ne t'appartient pas. Mon sang ne t'appartient pas. Ouvre la porte. L'heure de casser la croûte ? Ah oui, bien sûr. Bien manger au Brésil, alors ça c'est possible. Alors, la feijoada, c'est le plat national. Des haricots mijotés avec des pieds, des queues et des oreilles de porc salé, de la poitrine et des saucisses fumées, et de la viande de bœuf fumée, le tout aromatisé à l'ail et aux oignons, revenu à l'huile de palme. Ah, mon vieux Guillaume, ça doit faire péter. Le vatapa, une savoureuse purée à base de mie de pain ou de farine de blé, comprenant des crevettes, du lait de coco, du gingembre, de la noix de cajou et des épices. La carayée, autrement dit boule de feu, une pâte à beignets à partir de haricots noirs et oignons. Alors là, papilles sensibles s'abstenir, d'autant plus que certains cuisiniers insèrent quelquefois du piment et font pas semblant. À l'intérieur du beignet, on trouvera crevettes, lait de coco, arachides ou salade. Oui, mais enfin, c'est fort. Hein. Le pao de queijo, une sorte de petit chou au fromage parfumé, fourré, avec différentes sauces que l'on sert en amuse-gueule. Pour parler des amuse-gueules, il y a aussi le pastel. Le pastel, alors servi chaud, farci de viande, de morue, de cœur de palmier, de tomate ou de fromage. La moqueca, bah oui, de Paix. Je m'excuse auprès de nos amis portugais. Hein. J'ai bien du mal, vous savez. Ah oui. Bon, bref, morceaux de poisson de toutes sortes, coriandre fraîche, lait de coco, cumin, poivron vert et ail, et le tout servi avec du riz. Les salgados, beignets salés à la viande, au poisson, au fromage et aux légumes. Et là, une chanson brésilienne, Diz que fui pobre, Luiz Melodia, Saint George. Se alguém perguntar por mim, acho que foi por aí. Levando violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver contigo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. É, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Seu Jorge! Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quer saber, se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Só depois que a saudade se afastar de mim. Seu Jorge, eu tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Eu tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói em meu peito, me rói. Estou na cidade, estou na favela e estou por aí, sempre pensando nela. Que maravilha, hein? Sempre pensando nela. Ah, tem jeito. A mulher imprimiu. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro em qualquer botequim. Eu entro e se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiseres saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão pra me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho uma madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Eu estou por aí, sempre pensando nela. A mulher também. Eu estou por aí, sempre pensando nela. Não pensa muito nela não, porque esse direito é meu. Eu tô sabendo. Balade en chanson française autour du mot samba. La dame du premier a pigé la rythmique et tout le grand standing a dansé la samba. Le cadre moyen a coupé la télé et danse la samba. Les prolos et toute la cité ont dansé la samba, mais ça, c'était sans compter sur les CRS de la répression rythmique, la samba Bernard Lavillier. La musique a roulé, des tempos exotiques, la dame du premier a pigé la rythmique. Et s'est mise à danser, la la la la, sur des airs des tropiques. Et tout le grand standing a dansé la samba. Et tout le grand standing a dansé la samba. L'immeuble d'à côté, qui a le sens critique, étant standardisé pour le cadre moyen, bientôt contaminé, la la la la, par le rythme excentrique, a coupé la télé et dansé la samba. A coupé la télé et dansé la samba. Les prolos qui logeaient dans la cité d'urgence, dont la sonorité met vite dans l'ambiance, étaient habitués, la la la la, à suivre les cadences. Et toute la cité a dansé la samba. Une musique morte, impuissante et statique, suintée par le plafond, très aristocratique. Mais la joie authentique, la la la la, remontait des bas-fonds. Monsieur le directeur prit ses dispositions. monsieur le directeur, oupala, pris ses dispositions. Alors les CRS, la répression rythmique, qui ne balance pas, oupala, autrement qu'à la trique. Les oreilles bouchées, la la la la, par d'énormes hublots, trouvèrent un responsable et firent leur boulot. Ils ont tué le guitariste, lui ont brisé les doigts, interdit sa musique, surveillé quelques mois. Mais au fond des mémoires, la la la la, sur les marteaux pilons, les compagnons d'usine ont gravé la chanson. Du Brésil. Ah ben alors d'abord, les articles de page Havaiana, ce sont des tongs. Et les serviettes tongs, marrant ça, des serviettes tongs. Le bikini brésilien, avec ou sans paillettes, imprimé tropico ou froufrou. Pareo et serviettes motifs brésiliens et au pavé de Copacabana. Belle robe bustier, pourquoi pas, en harmonie avec les tongs. Ah ben c'est très tendance. T-shirt au motif de paysage sympa. Les maillots de football à l'effigie de Neymar. Alors là, ça risque d'être moins tendance. Enfin, on ne sait pas. Ballerines et talons compensés et autres chaussures parfumées. Des tissus à l'ambiance tropicale. Des bracelets brésiliens entourés autour du poignet ou de la cheville avec trois nœuds. Ce sont de véritables porte-bonheur. Et tenez-vous bien, des porte-bonheur qui voient les rêves se réaliser quand on les perd. Ah ben c'est pas un problème alors quand on les perd, ben non. Ensuite la topaze, magnifique pierre précieuse bleue, une multitude de produits de beauté et à consommer avec modération bien entendu. La cachaça à base de canne à sucre, ben c'est tout simplement le rhum brésilien Bananiera Bebel Gilberto. Lá com você, bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei, não há maneira de ver. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei, não. Isso é lá com você. Será no fundo do quintal. Que tal do seu olhar? Olhar do coração. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei, não. Isso é lá com você. Bananeira, não sei, bananeira será. É bananeira, sei, não há maneira de ver. Será? É bananeira, sei não. Isso é lá com você. será no fundo do quintal. La chanson de Laurent Voulzy sonne l'avant-goût d'un hommage profond à la musique brésilienne. Ainsi, le chanteur reprend les mélodies cultes et dans cette nouvelle aventure, l'artiste est accompagné du chanteur et guitariste brésilien Jorge Benjor, Spirit of Samba, Laurent Voulzy. Sous-titrage Société Radio-Canada. Et c'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Guillaume qui était tout seul à la technique ce matin. Guillaume qui fait son dernier jour de stage aujourd'hui, Radio Fagette, et à qui nous allons souhaiter toute la réussite qu'il faut pour son examen du mois de novembre. Et merci également à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Alors vous pourrez durant toute la semaine retrouver le podcast de l'émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette, bien sûr. Le prochain Patchwork, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, n'oubliez pas la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains ou pour les autres Européens sur le net, fagette.net, en ligne. Allez, au revoir.